Fuma macaco, diz que é rato, papo de grande, encerrador, chapéu de couro, do lampião, pega no sono, mata leão, pastor rico, crente, pobre, bandido de terno, sempre corre nordeste, sabe, pergunta pro Ibope, pacífico, bop, com sangue no sabe, bruxa, velha, barba negra, levanta a vela, bola, brilha, Roberto chuta de trivela, pau, pau, 31, sempre selvagem tipo 21, cachaça, serva, whisky e rum, queria juízo, não acho rumo, não tenho peça, neve do fumo, cal de rua, soco de chum, camboatá, dona Maria, armada na cara, ave Maria, fiz seu crivela, cu de foice, de matão, mais que burro da coice, recomendo o caminho da roça, reflexo do cão na poça. J'suis au printemps, pourtant j'me sens comme en automne, y'a des putains partout, la rue c'est monotone. Y'a autant de bons que de mauvais chez moi comme un atome. J'suis au KGB, j'croise plus d'experts qu'à Manhattan. J'suis au printemps, pourtant j'me sens comme en automne. Y'a des putains partout, la rue c'est monotone. Y'a autant de bons que de mauvais chez moi comme un atome. J'suis au KGB, j'croise plus d'experts qu'à Manhattan. J'm'excuse, j'crois que j'ai cassé le rap en écoutant London Calling. Courbé les chines, ça j'ai passé le cap. Mon maître est mort comme Ronin. Tomber 7 fois, se relever 8. Traîne avec moi, ta mère s'inquiète. J'ai déjà pensé pour presque un siècle. Des circuits clos, tout ça c'est de l'inceste. Covid-19, on a prédit l'avenir. Abuse d'un enfant et récite la Bible. À la surface de l'enfer, c'est les autres. Tu t'es trompé de combat comme une féminazie. Un cut, une balave, ça rend plus fort. Il se peut qu'on te marre pendant que tu dors. J'suis pas comme il voudrait, mais rien à foutre. J'suis comme un arabe qui mange du porc. J'ai la culture du padre, fuck FN comme un Beru. Toute catégorie, j'suis navré. J'ai une clé pour chaque serrure. Jugez-moi, mais y'a vice de forme. Je joue pas si y'a un risque que j'perde. Abîmé comme un Steve McQueen. J'suis un Spartu, moi si j'm'incline. J'suis au printemps, pourtant j'me sens comme en automne. Y'a des putains partout, la rue c'est monotone. Y'a autant de bons que de mauvais chez moi comme un atome. J'suis au KGB, j'croise plus d'experts qu'à Manhattan. J'suis au printemps, pourtant j'me sens comme en automne. Y'a des putains partout, la rue c'est monotone. Y'a autant de bons que de mauvais chez moi comme un atome. J'suis au KGB, j'croise plus d'experts qu'à Manhattan. Thank you.